Malgré la présence de certains organismes sur la terre, les misères subsistent. Malgré l'ONU, le monde n'est pas dans la paix. Malgré l'OIA, les Africains se divisent. Malgré l'OMS, les maladies ne finissent pas. Malgré la FAO, la famine ravage le monde. Malgré l'OIA, les Africains se divisent. Sans Jésus, tout ce qu'elles ont fait est vanité. Rien de bon ne peut venir des hommes. Les hommes sans Jésus-Christ, ils ne peuvent rien. Sans Jésus, tout ce qu'ils ont fait est vanité. Rien de bon ne peut venir des hommes. Les hommes Jésus-Christ, ils ne peuvent rien. Jésus est le seul qui a uni tout le monde de toutes les nations, de toutes tribus, toutes langues. En lui, nous avons la paix, l'amour et l'unité. Jésus est le seul qui a uni tout le monde de toutes de toute tribu, toute langue. En lui, nous avons la paix, l'amour et l'unité. Sans Jésus, tout ce que l'on fait est vanité. Rien de bon peut venir des hommes. Les hommes sans Jésus-Christ, ils ne peuvent rien. Gloire à l'Éternel. Organisation Toba Organisme Yamukili Oyo Ezanango Mabete. Ezali malamu, me ebongi, botala nde pa ina nzambe. Misu na bino ebaluke pa ina nkolo. Pwete ba organisme to organizasyon ya monde ebandile lote, meme na Bible pe zalaka. Batu na kalape basalaka ba organizasyon. Me, mingi mi batala kinde pa ina nzambe ya wana bazwa ki high suit. Moïse, Josué, David, baza ebele basala ka pe organisme mene. Yango na bazala kina elonga. Botale pa ina nzambe. Organisation sans Jésus, ce qui botche Yesu musika bazala pasi. Pwete bo resi, yango botala sor. Jésus est le seul qui a uni tout le monde. De tout habitent les nations. De toutes tribus, toutes langues, en lui nous avons la paix, l'amour et l'unité. Jésus est le seul qui a uni tout le monde de toutes les nations. Ce que l'on fait est vanité. Oh Jésus, po oyo basusu mozindo ya nzembo oyo pe réalité nango, landa na ba bande vidéo tant comme on a ba image po koyeba réalité ya nzembo oyo pwete na makansi ya bomuto ko ikozwa ngo ko interpréter na ndenge na yo ya bomuto po koyeba te mais landa réalité. Jésus, tout ce que l'on fait est vanité.